la musicale parle si tu vibes mon braille. Allô les mélomanes, c'est son Magic Tribe. La musicale parle si tu vibes mon braille. Allô les mélomanes, c'est son Magic Tribe. La musicale parle si tu vibes mon braille. Réveillez-vous, refusez le garde à tout et garde à tout. Ce qui se couche à tous les coups, mais réveillez-vous, qui le fera pour vous? Pas les parties voyous, soyons clairvoyants. Méprisez ces gens qui se divisent, attisent la bêtise, le racisme, pactisent aux factices sans résister. Si c'est la merde à la télé, heureusement qu'on peut zapper. Tu piges qu'on penche, qu'on pise, qu'on est complice. Chaque bulletin qu'on glisse au scrutin politique que l'on participe, sache qu'on pactise avec ceux qui divisent, ceux qui brisent. La contestation, la protestation, par molestation, comme une exaction, où s'exalteront les grands patrons d'une guerre en gestation. Faut que tu captes que l'on pète un câble à mêler sur les jazz, funk et rap, mais faut que tu t'emballes autour, tu t'en bats. Vas-y gueule pour ce Magic Tribe. La musique a un sens, son effervescence, t'as la quintessence. Quand le public danse, oui, la zik a un sens, son effervescence, t'as la quintessence. Quand tu rentres en France, allô les mélomanes, c'est sur le Magic Tribe. La musicale parle si tu bailles mon braille. Allô les mélomanes, c'est sur le Magic Tribe. La musicale parle si tu bailles mon braille. Allô les mélomanes, c'est sur le Magic Tribe. La musicale parle si tu bailles mon braille. Allô les mélomanes, c'est sur le Magic Tribe. La musicale parle si tu bailles mon braille. Tonight just for you, we can play overnight, yes we can do. Cause we play for the pleasure, not for the money. Never about the feeling, never about the feeling. Everybody, génération merdique, starlet en plastique, conception académique, qu'on jette et recycle, c'est un cycle économique, désolé. On fait du son biologique à activiste, sans artifice, pas le choix, c'est comme ça, artiste.